Mais il reste aussi l'affaire, là, juste leur espèce de messianisme de rebâtir le troisième temple. C'est spécial, là. Puis le monde se rend pas compte jusqu'à quel point c'est délirant quelque part. Ils ont juste refait les. Ils ont refondu de l'or pour refaire les instruments pour le temple. Les grands chandeliers, puis toute la patente qui avait été volée après la destruction du deuxième temple, dans le temps de Titus. Ils ont tout refait ça. Mais là, l'affaire, c'est pour le rite du temple. Ça prend les pectoraux. Il faut que ça soit du monde de telle lignée. Donc, les Cohen, puis ces affaires-là, les castes de prêtres. Après, là, s'ils reconstruisent le troisième temple, il faut qu'ils sacrifient un type de bovin qui n'existe plus. Là, ils essayent de le recréer génétiquement. C'est de la folie. Moi, je vois ça comme de la folie, là. Mais Mais la vache rousse, qui était ça, ils ont plus rien. Fait que possiblement que c'est par des croisements puis de la régression. Parce que on a des bovins aujourd'hui qui sont les descendants de. Mais c'est comme il y a des généticiens qui ont réussi à faire régresser des embryons de poulet pour qu'ils retrouvent des dents. Mais là, c'est un peu comme des apprentis sorciers. C'est-à-dire que ça va jamais aller dans un sens évolutionnaire si ils sont pas capables. Ça va être dans le régressif tout le temps. Ça va être dans l'évolutif. C'est-à-dire qu'ils sont bien capables de prendre des bovins aujourd'hui. Puis de s'arranger pour les affaiblir génétiquement, pour les faire régresser, pour retrouver leur vache rousse, là. Pour la sacrifier. Puis supposément, ils ont même retrouvé les cendres du dernier sacrifice. C'est un drôle d'adon, là, j'ai de la misère à y croire, là. Parce que faut que la nouvelle vache rousse du troisième temple la soit sacrifiée sur les cendres de la dernière. Ils ont tout arrêté ça là-dessus, c'est assez complexe. Mais. Rendu là, ça veut dire que là, la géopolitique, elle va avoir changé beaucoup. Parce que s'ils rebâtissent le troisième temple, ça veut dire qu'ils vont avoir détruit la mosquée d'Al-Aqsa. Parce que c'est là qu'il faut le faire, le temple.